Exercice 8. Bonjour, c'est Arwa. Le directeur organise une réunion demain. Est-ce que tu peux appeler le responsable de l'agence Boy Power? Son numéro personnel est le 06 61 07 95 30. Il faut lui dire que la réunion va durer 45 minutes. Et merci de réserver aussi le restaurant pour demain.